Chapitre 8e, le conflit. Le Talapoint parcourait le pays en proie à l'irritation, au désespoir, se donnant à tous les diables auxquels il appartenait déjà, fouillant vainement les forêts, les montagnes, les plaines, lorsque le pachyderme sacré lui apparut, surmonté de Tongoug, au moment où il s'y attendait le moins. « C'est toi ? » criait-il de loin à l'Indien, dès que l'étonnement lui permit de parler. « C'est moi ! » repartit celui-ci rayonnant. « Je t'avais bien dit qu'en suivant mes indications, tu trouverais le seigneur éléphant blanc, loué soit le ciel. Maintenant, descends à terre. Tu souilles par ton contact impur cet être divin. C'est à moi, prêtre de Bouddha, qu'il appartient de conduire la grande lumière à la cour. Comment ? Sans doute, continua Chantaboun en se rapprochant. Puis, n'est-ce pas moi qui t'ai mis sur le chemin de la retraite de l'éléphant blanc ? Sans mon concours, tu serais mort à la peine. Tu n'as rien fait par toi-même. Le seigneur éléphant m'appartient. Remets-le-moi et sois persuadé que je ne t'oublierai pas auprès du roi. Tu seras palefrenier des sacrées écuries. » Tongoug vit trouble. Un voile passa devant ses yeux. Il se demanda s'il rêvait. Agité par la colère, l'avidité, l'ambition jalouse, le moine s'était trop vite démasqué, et l'Indien, devenu soupçonneux, au lieu d'agir avec abandon, allait se tenir sur la réserve, voire sur la défensive. L'escorte du Talapoint, tirant derrière elle son éléphant brun, s'avança au-devant de l'éléphant blanc, se prosterna et attendit. « Allons, descends !» répéta Chantaboun d'un ton plus impérieux et avec une pointe d'impatience. Tongoug hésita, dominé par le caractère sacré du prêtre, se remua sur le cou de sa monture, regarda en bas, à droite, à gauche, gratta son front baigné de sueur et resta à sa place. « Descendras-tu ? » commanda le Talapoint, en prenant la lance d'un de ses hommes et en faisant mine d'en frapper l'Indien. L'éléphant blanc dressa sa trompe dans l'intention évidente de protéger son découvreur et grogna d'un air menaçant. Chantaboun se recula. « Malheureux ! » poursuivit-il, « ne comprends-tu pas que tu deviens sacrilège, que tu attires sur ta tête les malédictions du ciel ? Rends-moi le seigneur éléphant, pendant qu'il en est temps, ou je saurai te le reprendre. Alors tant pis pour toi, au lieu de récompense, tu n'auras qu'un châtiment exemplaire. » L'audacieux imposteur sentait qu'il fallait qu'il prît sans retard possession de l'illustre animal. S'il ne voulait le voir perdu pour lui, sachant parfaitement qu'au premier village, à la première bourgade, conformément aux instructions du roi, l'Indien serait fêté, acclamé, protégé, et que le déposséder deviendrait difficile. « Pourquoi chercher à me dépouiller d'un bien que j'ai légitimement conquis ?» répliqua Tongoug, dont la voix tremblait. « C'est là, ce bien n'est pas le tien, mais le mien !» Talapoint, vous ne dites pas la vérité, vous le savez, pourquoi mentez-vous ? Tu m'insultes ? Cria Chantaboun exaspéré, puis se tournant vers son escorte. Emparez-vous de l'éléphant blanc et délivrez-le de ce démon qui le tourmente, ordonna-t-il. Les Indiens placèrent leur éléphant brun au milieu d'eux et se portèrent, en ligne de bataille et la lance croisée, contre le pachyderme vénéré, qu'ils se disposèrent à refouler entre de grands arbres où ils pensaient qu'ils parviendraient à s'en rendre maître. L'éléphant brun, le front baissé, devait chasser devant lui, avec ses défenses, son congénère pâle. « Arrêtez !» commanda Tongoug, épouvanté à la vue de l'attentat que le Talapoint et ses sicaires hérétiques commettaient. Mais déjà, l'éléphant blanc, se raffermissant sur ses jambes, s'était mis en garde. L'œil en feu, la trompe frémissante, il attendait les assaillants de pied ferme, prêt à pulvériser le premier qui oserait le toucher ou toucher à son sauveur. Devant son attitude résolue, l'éléphant brun s'arrêta court, intimidé, et n'écouta ni les encouragements, ni les objurgations de son cornac. « Tuez ce brigand !» vociféra le moine en montrant Tongoug, « et que la violence que nous sommes obligés de faire à l'éléphant blanc retombe sur sa tête !» Les Indiens se glissèrent de côté et lancèrent des javelots à Tongoug, qui se coucha sur le cou du pachyderme en poussant des cris d'effroi. L'attaque ne se renoubla pas. Un des javelots ayant écorché une crevasse mal fermée de son dos, l'éléphant blanc tressauta sous l'effet de la douleur, fit un tour sur lui-même, balaya avec sa trompe ceux qui le serraient de plus près et chargea les autres en hurlant. Les agresseurs s'éclipsèrent comme par enchantement, sauf un d'entre eux qui se roula par terre, les côtes brisées, l'éléphant brun se sauvant plus vite, le Talapoint venant immédiatement après lui. Satisfait de son exploit, l'éléphant blanc dressa sa trompe pour caresser son ami, le rassurer, lui promettre qu'il le défendrait contre quiconque, après quoi il reprit sa course interrompue avec la confiance que le succès inspire. Pendant que le Tungug, porté par son protecteur, par le génie qui représentait ce que son cerveau en ébullition rêvait et ce que son cœur désirait, pendant que Tungug réfléchissait à l'aventure qui venait de lui arriver, aux difficultés qui se dressaient devant lui à l'heure où il croyait son apothéose proche, Shantaboon, revenu de sa frayeur, rassemblait son escorte, s'efforçait de calmer son éléphant brun et prenait des dispositions pour emboîter le pas à l'éléphant blanc. « Il serait honteux et infâme, répéta-t-il à ses gens, dès qu'il les tint de nouveau sous sa coupe, de laisser le seigneur éléphant blanc au pouvoir d'un misérable et criminel esclave. Au nom de Bouddha, je vous ordonne de suivre avec moi les traces des fugitifs et de délivrer le céleste seigneur sous peine de châtiment éternel. » Les Indiens, effrayés des conséquences terribles que pouvait entraîner leur désobéissance au talapoin et l'abandon du sacré pachyderme, s'encouragèrent les uns les autres, jurèrent de massacrer l'infernal contenteur des lois saintes, l'oppresseur de l'éblouissant, du purisme éléphant blanc, et précédant Shantaboon remonté sur son éléphant brun, se mirent aux trousses de Tungug. « Il sera bien forcé de quitter momentanément sa monture, » grommelait le talapoin en trottant à travers les futaies de palmiers, de tamariniers, de muscadiers. « Alors, si nous le serrons de près, nous le surprendrons et nous le tuerons sans peine. » Cette besogne accomplie, nous viendrons à bout de l'éléphant blanc qui le défend parce qu'il s'est habitué à lui, mais qu'il oubliera quand il ne le verra plus. » De son côté, l'Indien, confondu de la perfidie du moine, sentait grandir son indignation et sa résolution de disputer sa vie et son trésor. Toutefois, estimant que le meilleur moyen de déjouer les projets, les combinaisons détestables de l'indigne serviteur de Bouddha, c'était de gagner rapidement un lieu habité, il activait la course de l'éléphant blanc en s'efforçant de se maintenir dans la direction de l'Occident, celle qui devait le ramener à Ajutia et d'Ajutia à Bangkok. Il s'enfonça dans une gorge de montagne, franchit une rivière et, à l'approche du crépuscule, crut avoir fait perdre sa trace au chien qui le poursuivait. La campagne était solitaire. Des coqs, des poules sauvages se perchaient sur les arbres pour y passer la nuit. Des milliers de perroquets dormaient dans les branches, la patte sous l'aile, la tête dans le dos. Des buffles ruminaient, couchés au milieu de hautes herbes, près de larges flaques d'eau. Des sangliers grognaient en furetant dans les broussailles. Des bandes de singes rentraient en se disputant à leur gîte. Nulle part, on entendait les voix rauques des carnassiers. Tungug, confiant dans l'intelligence de son compagnon, cessa d'indiquer la route, se laissa conduire, et bientôt l'éléphant blanc, laissé maître de ses mouvements, s'arrêta dans un délicieux endroit où il y avait à profusion de l'eau fraîche, sortant de roches moussues, des fruits, de l'herbe, s'agenouilla afin de permettre à son ami de sauter à terre sans attendre et se mit à manger en ayant l'air de dire à l'Indien « Je t'ai amené dans un bon coin, fais comme moi, soupe en paix et sans inquiétude, la forêt est vaste et la providence est infinie. » La lune éclairait le paysage. Tout invitait au calme, à la sérénité. Tungug demanda sa pitance aux arbres des alentours, et lorsqu'il se sentit repu, s'étendit sur l'herbe auprès du pachyderme, qui, fatigué par sa fuite, venait de se coucher au pied d'un citronnier et ronflait. « Bouddha nous protège » pria-t-il, en pressant ses amulettes entre ses mains jointes et en s'endormant à son tour. La nuit s'écoula sans alerte. L'obscurité, la crainte de s'égarer, avait probablement arrêté le talapoin. Au matin, Tungug pansa le dos du noble pachyderme, le lava soigneusement, servit le déjeuner, mélange de plantes et de fruits appétissants, au moins pour des coureurs de bois, et le festin terminé, engagea le très haut seigneur à se remettre en route. Mais celui-ci n'était pas pressé d'arriver à destination. Bien soigné désormais, ayant un compagnon dévoué, ne manquant de rien, il tenait à demeurer en forêt. « Nous avons ici de l'eau fraîche, de l'ombre, de l'herbe pour nos litières, des provisions, » parut-il objecter. « Pourquoi quitterions-nous aussitôt un tel paradis ?»« Patience, » murmura le dévoué Cornac. « Quand ces arbres seront dépouillés, ce qui ne tardera pas, il sera le plus empressé à partir. » Et pour tuer le temps, pendant que l'éléphant blanc s'amusait à casser des petites branches et à les mâcher, il explora les environs, découvrit des nids de poules, de perroquets, y prit des œufs, et s'offrit un dessert plus substantiel que son déjeuner. La matinée n'était pas encore passée lorsque des bruits de pas sur les feuilles sèches annoncèrent une visite. Recommençant sa chasse, à l'aube, Shantaboon avait retrouvé, sans trop de peine, les traces des fugitifs, et il débouchait dans leur refuge. Le voilà ! Cria-t-il en désignant à ses hommes, à l'Indien, qui, à une cinquantaine de pas de l'animal sacré, dévalisait un nid de poules sauvages. Des jablots sifflèrent de ce côté. Au même instant, le talapoin lança l'éléphant brun, sur lequel il était monté, entre Tungug, qui, troublé par la peur, perdit l'équilibre et tomba dans le taillis et l'éléphant blanc de façon à séparer celui-ci de celui-là. Impressionné par la soudaineté de l'attaque, l'éléphant blanc chercha d'abord à se dérober. Mais à la voix de son sauveur, que deux forcenés essayaient de percer avec leurs lances, au milieu des arbrisseaux où il s'était réfugié, tout meurtri de sa chute, la colère lui rendit le courage, ses yeux rouges s'illuminèrent, il fondit sur l'éléphant brun, qu'il bouscula, écarta d'un coup mortel de ses défenses les individus qui allaient assassiner l'Indien, attira ce dernier à lui à l'aide de sa trompe, le posa sur son dos, et se retournant contre le reste de la bande, grogna sourdement, tandis que Chantaboun, reprenant son assiette sur sa monture, se préparait à retourner à la rescousse. Par bonheur, il comptait sans son hôte. Ses commandements, ses appels, ses vociférations, ses excitations à ses hommes ne relevèrent point le moral de ceux-ci et servirent uniquement à achever d'exaspérer l'éléphant blanc, qui, ne connaissant plus rien, se rua, écumant de fureur, contre ses assaillants et les dispersa. Mais cela ne le satisfit pas. Considérant probablement leur défaite honteuse comme un châtiment insuffisant, l'irascible animal se précipite à leur poursuite, résolu à en finir une bonne fois. Car si l'éléphant vulgaire a une débonnaireté, une dose de patience, dont il ne faut cependant pas abuser, l'éléphant albinos, que son état maladif rend ordinairement hargneux et vindicatif, par contre, d'une susceptibilité et d'une violence telle qu'il ne voit plus, lorsque son ressentiment éclate, que celui qu'il a insulté, provoqué, blessé, et que son obstination acharnée sait l'atteindre, en dépit d'obstacles insurmontables, en apparence pour un individu de son poids et de sa grosseur. Emporté par l'éléphant brun, auquel la frayeur prêtait des ailes, et qui filait comme une flèche à travers balais, marais, jungles, broussailles, Chantaboun laissa les survivants de son escorte chercher eux-mêmes leur salut. C'était lui, tout particulièrement, que le pachyderme saint talonnait. L'Indien, à califourchon sur le cou de l'éléphant blanc, le moine, cramponné aux oreilles de l'éléphant brun, se trouvait donc seul dans la campagne, le chassé chassant le chasseur, par une interversion subite des rôles. Au fond, Tungug, content d'être sorti sain et sauf, avec son suprême compagnon, du péril inopiné qui venait de fondre sur lui, ne désirait pas rejoindre le prêtre, qu'il persistait à respecter en dépit de sa perfidie, et sur qui il aurait hésité à porter la main. Mais l'éléphant blanc n'avait pas de ses scrupules, et toute tentative pour l'apaiser irritait sa fureur et activait sa course. L'épuisement et la chaleur l'obligèrent néanmoins à faire halte au milieu du jour. « Je te retrouverai » sembla-t-il promettre, dans son regard farouche, à l'éléphant brun, qui, ayant de meilleures jambes, continuait à détaler et dont une haute colline masquait la fuite. Revenu de l'idée de se délivrer par la force de son rival et de s'emparer ensuite de l'éléphant blanc, le talapoin ne nourrissait aucune velléité de recommencer ses attaques. Ces deux échecs successifs lui suffisaient. Pourtant, il n'abandonnait pas la partie. Il avait seulement un autre projet, celui de dénoncer Tungug dans la première ville venue comme sacrilège, comme usurpateur de l'éléphant blanc et de réclamer le fétiche sacré. « Entre l'affirmation de ce misérable et la mienne, pensait-il, entre un individu sans aveu et un desservant de la pagode royale d'Ajoutia, aucun juge, aucun mandarin n'hésitera. L'éléphant blanc me sera rendu et l'impur esclave qui le mène subira la mort qu'il mérite. » Après un repos de quelques heures, l'éléphant blanc donnant des signes d'impatience réitérés, Tungug remonta sur son cou et la poursuite de Chantaboun recommença. Elle dura 3 jours, au bout desquels le redoutable pachyderme, perdant toute trace du fuyard, dut renvoyer sa vengeance à une autre époque. Qu'était devenu le talapoin ? Mystère. Quant à l'éléphant blanc et à l'Indien, ils avaient dépassé la province de Battambang et campé à l'extrémité septentrionale de la chaîne des monts Pursat, qui s'étend au sud-est entre le royaume de Siam et le Cambodge, dans un pays magnifique, abondant en fruits, en canne à sucre, en légumes, en gibier, et où les rivières sont si poissonneuses qu'elles fournissent à elles seules la moitié de la nourriture des habitants.